vieux copains, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Comment ça va ? Le podcast qui prend de tes nouvelles, qui brise un peu la solitude, essaye de te déconfiner et de t'emmener voir et écouter ailleurs. Chez le voisin, la voisine et chez ceux que tu ne connais pas. Nan Gadef ! Aujourd'hui, on reçoit des nouvelles du pays de Sangor. Ouley, habitante de Dakar, revient sur les mesures de confinement qu'elle est forcée de s'appliquer à elle-même pour se protéger, protéger sa famille et aussi son pays. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ouley, j'habite Dakar, j'ai 29 ans, je suis caissière dans une épicerie de restaurant. Je voulais un peu parler de la situation actuelle que nous vivons, qui est le coronavirus, et qui est une maladie contagieuse, très dangereuse, et on doit vraiment faire très attention parce que là, on est à risque. Et à cause du risque, on est obligé de rester confiné chez nous. Par exemple, comme moi, je suis chez moi, je ne pars pas travailler parce qu'il y a beaucoup de risques. Pour aller travailler, on doit prendre le transport en commun qui n'est pas vraiment sûr parce qu'on est obligé d'être collé avec des personnes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si cette personne-là a la maladie ou pas. Donc, on est obligé de rester chez nous. Là, au pays, on est en couvre-feu de 20h jusqu'à 6h du matin. Déjà, pour descendre à 18h ou 17h, c'est difficile de trouver une voiture pour rentrer. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai été obligée de prendre un congé technique pour rester chez moi, pour ne pas prendre de risques. Comme il n'y a pas de confinement, par mesure de sécurité, je suis chez moi. Je reste chez moi pour ne pas me faire contaminer et contaminer ma famille. Rester chez soi, c'est un peu naze parce qu'on reste chez soi sans rien faire. Mais bon, on est obligé, c'est la situation qui oblige. Donc, on a qu'à rester chez nous pour plus de sécurité, par mesure de sécurité pour ne pas se faire contaminer. S'il vous plaît, donc, restez chez vous. De côté, c'est vrai que c'est bien, c'est bon de rester avec sa famille. Ça nous permet de passer plus de temps ensemble parce que la plupart de nos temps, on le passe au travail. C'est bien de rester avec sa famille, alhamdoulilah. Mais bon, on le passe aussi malgré, parce qu'avec cette pandémie, on est obligé. C'est pas quelque chose qu'on voulait, parce que personne ne le veut, personne ne l'a souhaité. Mais bon, c'est la situation qui oblige que le bon Dieu nous aide et qu'il fasse disparaître cette pandémie le plus tôt possible, que chacun retrouve ses activités normales. Tout se passe comme avant, tout se passe comme on le voulait, Inch'Allah. Dieu peut le faire, qu'il nous en préserve. Amin, Inch'Allah. Yallah Bahna. Merci beaucoup.